de l'eau dessinée, dessiner des maps monde insensées, des pays imaginés, des pays au fil de l'eau m'inventer des bateaux chargés. Blanche, elle mord dans le sable. Robinson, qu'est-ce donc que ton île? Tristan da Cunha, l'île de Pâques ou la place de la Concorde? Oh non, non, non, non, non, non, non! Cri d'Albatros, klaxon, le rayon vert sur la mer. We'll be right back.